Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, l'Exposition universelle de Montréal en 1967. Le 13 novembre 1962 restera un jour faste dans les annales du Canada, dans celle du Québec aussi. À Paris, en effet, le Bureau international des expositions décidait à l'unanimité que l'Exposition internationale et universelle de 1967 aurait lieu à Montréal. C'est le 13 novembre 1962 que Montréal se voit donc attribuer l'organisation de l'Exposition universelle de 1967. Montréal profite d'un formidable coup de chance dans cette affaire. Moscou, qui avait recueilli plus d'appui que Montréal et à qui l'on avait d'abord confié l'organisation de l'Expo, annonce son désistement en avril 1962, ce qui permet à Montréal de récupérer le coup. Expo 67 sera un immense succès qui fera la fierté des Montréalais et qui donnera à leur ville une stature planétaire. Mais entre 1962 et 1967, on assistera d'abord à une aventure humaine extraordinaire qui permettra que le petit miracle de cette grande exposition se réalise. Un jour, quand tu viendras, nous t'en ferons. C'est un honneur pour moi aujourd'hui d'annoncer au nom du gouvernement canadien que le gouvernement a décidé de demander au Bureau international des expositions mondiales que l'exposition de 1967 ait lieu ici à Montréal. Un jour, quand tu viendras, pour toi nous retiendrons le temps qui passe dans ce pays de fables. Monsieur le maire, c'est une soirée extrêmement importante, s'il n'en fut jamais une. C'est une étape extrêmement importante qui a été franchie aujourd'hui et qui témoigne de l'esprit qui anime les trois gouvernements et les membres de la compagnie de l'exposition. Cette unanimité qui n'a pas été imposée, qui a été spontanée, à l'occasion du choix de l'emplacement, est un gage de succès. Un jour, quand tu viendras. Sur la chanson thème d'Expo 67, on entendait d'abord le ministre fédéral Pierre Sivigny en septembre 1962, suivi du maire de Montréal, Jean Drapeau, en mars 1963. Si le nom de Jean Drapeau est étroitement associé à cette exposition universelle de 1967, il faut aussi se souvenir qu'il y aura une poignée d'hommes et de femmes qui vont vraiment travailler d'arrache-pied pendant 5 ans pour que ce rêve de l'Expo 67 se réalise. Mon invité fait partie de ces bâtisseurs d'Expo 67. Il va nous raconter aujourd'hui son Expo 67. Je reçois Philippe de Gaspé-Beaubien, qui était à l'époque directeur de l'exploitation d'Expo 67. On le surnommait à ce moment-là le maire de l'Expo. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Bien. Pourquoi, dans quel contexte et pourquoi vous décidez d'embarquer dans cette folle aventure d'Expo 67? C'est une histoire un peu difficile à expliquer parce que je ne travaillais pas du tout dans le domaine des expositions universelles. J'ai reçu un téléphone de Bob Shaw qui m'a offert le travail. Il dit, écoute, je cherche un Canadien français fou, un peu fou. Il faut que j'aie un Canadien français parce que mon équipe est surtout composée d'anglophones. Ouais. J'ai besoin d'un Canadien français. Il a besoin d'être un peu fou parce que réellement, on ne sait pas comment on va pouvoir réussir ça. Ouais. Il faut faire en 4 ans et demi ce que normalement, ça prendrait 10 ans ouais. dans d'autres pays pour faire. Et s'il accepte ça, il est plus fou que moi. Et ça, c'est tout ce que ça a pris pour que me décider ouais. que ça valait la peine. Même si tout le monde vous dit à ce moment-là, parce qu'il faut savoir, vous arrivez en novembre 63, il y a eu le premier commissaire principal et son commissaire adjoint, les deux ont démissionné quelques ouais. mois plus tôt. C'est pas joué d'avance, cette affaire-là. Tout le monde vous dit, va, embarque-toi pas dans cette affaire-là. Surtout mon père m'a dit que c'était une erreur. Il dit, les îles vont descendre à Sorel, Philippe. Tout ça, ça va tout flotter à Sorel. Prends pas ça. Ouais. Mon épouse n'était pas en faveur. J'étais seul à essayer de pouvoir réaliser... Vous voyez ce que ça allait donner? Pourquoi je pense que c'était une occasion pour nous au Québec de se positionner dans le monde. Et quand j'étais à l'exposition universelle pour défendre, une semaine après avoir accepté, j'ai entendu deux Français qui étaient assis avec moi à l'exposition, au bureau, le bureau des expositions universelles à Paris. Ils ont dit, on va voir ces petits Canadiens, ils vont faillir. Ouais. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ne sont pas capables. Ouais. Puis ça, ça m'a donné... Le coup de fouet. Je me dis, je ne vais pas vous montrer qu'on est capable. C'est pour ça, surtout, que je... Ça va changer complètement votre vie, cette décision-là. Pendant les 4 années qui vont suivre... Il fallait que je... Même durant l'expo, j'y habitais sur l'emplacement. Je voyais mes enfants que les fins de semaine. C'était un travail au moins 12 à 15 heures par jour. Il fallait rattraper le temps perdu et faire en 4 ans et demi ce que normalement ça aurait pris 10 ans. Ouais. Et c'était un défi absolument extraordinaire. Ouais. Et ça commence très vite pour vous. Il y a un premier... Vous êtes un... On va le voir tout au cours de l'émission, mais vous êtes un bagarreur. Vous arrivez en novembre 63. Puis déjà, vous avez un combat à mener. C'est d'avoir une équipe en poste tout de suite. Mais j'ai demandé à Bob Shaw, j'ai dit, écoute, quand est-ce que je peux mettre mon équipe en rêve? Quel commissaire adjoint de l'expo, Bob Shaw? Oui, il était réellement le grand patron des opérations. Et il me dit, écoute, le budget ne permet pas d'engager ton personnel avant le mois de janvier 67. Ben, j'ai dit, je ne peux pas accepter la job. Impossible de faire ça. Il faut former nos gens, il faut se familiariser avec l'emplacement. Si je ne peux pas avoir au moins le centre de mon équipe, j'accepte pas le travail. Mais il dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et il m'a déblaqué assez de capitaux pour pouvoir partir avec l'équipe. Ouais. Mais ce qui est important, c'est qu'aucun des membres qui vont diriger les 10 services de l'Expo, que ce soit la sécurité, les restaurants, les boutiques, les spectacles, les hôtesses, aucune de ces personnes-là avait une expérience d'un élément sur cette dimension-là. Ouais. Et ça va marcher, quand même. Écoutez, ça va marcher, mais je me vois le premier matin. En attendant, le premier visiteur m'a demandé d'être là pour lui remettre une montre ou quelque chose comme ça. Et je suis là à 9 heures le matin, le 28, avec mon épouse, sur la salle d'ouverture de l'expo. Et je regarde l'expo et il n'y a personne. C'est un site qui n'a jamais été ouvert à personne. Puis je me suis posé beaucoup de questions. Ouais, vous veniez d'inventer quelque chose. Dans cette aventure-là, vous allez être quelques joueurs importants, quelques joueurs clés, Monsieur de Gaspé-Beaubien. On va d'abord écouter le commissaire général de l'exposition, Pierre Dupuis, le jour du début des travaux d'aménagement de l'île Notre-Dame, le 1er juillet 64. Vous allez entendre aussi dans cet extrait, tout de suite après, le maire de Montréal, Jean Drapeau, le jour de l'inauguration de l'expo dont vous nous parliez, le 27 avril 1967. Je viens maintenant donner ordre au colonel Churchill, chef des installations, de commencer les travaux de l'exposition universelle. Et s'il un Montréalais qui puisse oublier qu'il y a moins de 3 ans, la terre sur laquelle nous sommes présentement rassemblés n'était pas encore entièrement sortie des eaux du Saint-Laurent. Le maire Jean Drapeau qui souligne la prouesse technique dans l'extrait qu'on vient d'entendre de l'aménagement du site même de l'expo sur l'île Notre-Dame. Et on faisait mention dans cet extrait d'Ed Churchill, c'est l'ingénieur qui s'occupe de l'aménagement justement du site de l'expo. C'est vraiment, Monsieur de Gaspé-Beaubien, une prouesse qui a été réalisée à ce moment-là. Parlez-moi de ce sera quelqu'un qui sera important pour vous, Ed Churchill. Ça va devenir un étroit collaborateur. Parlez-moi de son importance. Parlez-moi peut-être, ça nous en dit déjà beaucoup sur votre relation avec lui. Racontez-moi cette anecdote autour des canaux qui n'étaient pas prévus. À un moment donné, vous décidez que ce serait une bonne idée qu'il y ait des canaux sur l'île Notre-Dame. Ed Churchill était un génie. Il était le champion de la construction de l'expo. Et c'est grâce à lui que ça a eu lieu en temps. Je lui rends témoignage. C'est devenu un bon ami. Quoique durant toute la période des 3 ans, nous étions en conflit parce que mes gens allaient dans ses services pour dire « c'est beau, c'est formidable, mais c'est pas assez haut, c'est pas assez large, c'est pas assez pratique pour accommoder tous les gens ». Et les ingénieurs revenaient et disaient « débarquez les gars de Beaubien dans notre groupe, ça n'a pas de bon sens, ils compliquent les situations ». Le rêveur qui était allé chercher, là, il donnait du trouble à Churchill. Oui, c'est exactement. et les gars, mais on pouvait s'en parler le soir. Mais un soir, j'ai ma femme me dit qu'on devait peut-être manger avec lui, j'ai dit, écoute, essaye qu'on se fasse ça juste à quatre avec son épouse, puis on va peut-être faire ça au restaurant. J'ai quelque chose à lui proposer. Alors, on s'est rendu chez lui. Puis en arrivant chez lui, il a dit, veux-tu prendre une bière? J'ai pris une bière avec lui. J'ai dit, écoute, Ed, j'ai quelque chose à te proposer. J'ai dit, qu'est-ce que tu penses que l'île Notre-Dame, parce que mes gens ont vu le projet de l'île Notre-Dame, puis c'est comme 25 terrains de football, c'est grand, ça va être formidable, c'est extraordinaire ce que tu as fait, mais ça va être moche un peu. Ouais. Tu sais, il faut mettre la vie là-dedans. Qu'est-ce que tu penserais qu'on ferait des canaux là-dedans, de façon à ce qu'on puisse amener des gondoles puis des bateaux, de façon à ce que les gens puissent réellement... Il m'a pris par le collet puis dit, écoute, toi, maudit Canadien français avec tes idées de fou, qu'est-ce que c'est? Puis il dit, tu me compliques. J'ai pas fini de remplir le site encore, puis tu me demandes d'enlever ça pour mettre de l'eau que j'ai enlevée de là en mettant le site. T'es fou, t'as pas de bon sens. Puis là, les deux épouses sont arrivées, ils ont entendu ça, ils ont vu que j'étais prêt à m'étrangler. Puis ils lui ont servi une concoction de... Puis il a pris ça, puis il y a de la fumée qui est sortie de sa bouche. Je sais pas ce qu'ils lui ont donné, mais il était enragé. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Mais c'est ça le génie, entre autres, de la réalisation de cette expo. C'est effectivement la rencontre, probablement la rencontre, vous le disiez dès le départ, de ces deux cultures, oui. De l'élément de folie. Churchill, c'est un militaire, c'est un ingénieur, mais il assurait. Si ça avait été fait seulement par nous autres, les Canadiens, là, ça n'aurait pas été prêt ensemble, entends? Ouais. Parce qu'on aime ça, dialoguer, causer, discuter. Ouais. Puis ça n'aurait pas été prêt entends? C'est grâce à son génie que ça a pu être fait. Mais si ça n'avait pas eu l'injection des canaux, des choses comme ça, que les Canadiens français ont pu contribuer, mm-hmm. ça n'aurait pas été autant de fun, ouais. autant de plaisir à ben visiter ouais. l'Expo. On entendait le maire Drapeau. Un petit mot sur lui. Il est très associé, évidemment, à Expo 67. Quel genre de relation, dans ces quelques années, vous allez avoir avec lui? Jean était un gars absolument extraordinaire. Il était un visionnaire. C'est devenu un excellent ami, mais c'était pas un administrateur. Et il m'a rendu la vie un peu compliquée. Il voulait s'impliquer dedans et tout gérer contrôler. L'expo, comme ouais. il a essayé de gérer les Olympiques. Puis ça a pas, on lui a pas permis. Ouais. On l'aimait bien, mais merci, j'apprécie ça. J'ai pris certaines de ses recommandations, mais en général, on est obligé de fonder par nous-mêmes. Ouais. En fait, vous allez... c'est avec Lucien Saunier, le bras droit de Jean Drapeau, qui est président du comité exécutif de la oui. Ville de Montréal à ce moment-là. C'est avec lui que vous allez vraiment travailler peut-être plus encore en étroite collaboration, beaucoup plus qu'avec M. Drapeau. Parlez-moi de l'histoire de la Ronde, parce que ça en dit beaucoup sur le lien que vous allez avoir avec lui. La Ronde est au bord, à un moment donné, de passer à la trappe. Ça coûte trop cher. Le comité, la Ville de Montréal, les élus veulent plus de parcs d'amusement. Vous devez sauver la mise. Vous réussissez. Vous passez par Saunier, entre autres. Racontez moi ça, comment vous réussissez votre coup? Écoutez, même avant Saunier, la Ronde m'a été confiée alors que ce n'était pas la responsabilité du service d'Ed Churchill parce qu'il y avait beaucoup de manèges, de choses à faire comme ça. Je ne connaissais pas ça, moi. J'ai dit à ma femme, hey, comment je vais faire? Je n'ai aucune expérience. Et la meilleure personne au monde s'est désignée. Puis elle m'a dit, mais deux de ses filles sont venues au camp avec moi. Alors, j'ai dit, peux-tu m'arranger un meeting avec Disney? Puis elle a organisé une réunion où on est allé rencontrer Walt Disney en Californie pour lui demander de l'aide. Puis qui m'a prêté deux personnes qui m'ont aidé à construire la Ronde. Alors, c'était un grand avantage. Mais l'incident dont vous faites allusion était un téléphone que j'ai reçu de Bob Shaw, me disant, écoute, si tu veux sauver la Ronde, tu es aussi bien te rendre au comité exécutif parce qu'ils sont en train de limoger ça. Alors, je me suis parti à la course pour me rendre à l'autre édifice et je suis rentré dans la salle de conseil. Et de frais, M. Dupuis, qui n'était pas en faveur d'un parc d'amusement, il était plutôt du côté de la participation des pays avec leur pavillon. Oui. Et il n'était pas en faveur, puis on pouvait sauver énormément d'argent si on se débarrassait de la Ronde. C'était clé pour moi de pouvoir niveler les foules, d'avoir un endroit pour les amener, surtout avec des enfants dans ce secteur-là. Il y a quelque chose pour les familles, puis qu'on libère un peu l'île Notre-Dame pendant... Il fallait pas les perdre, parce qu'on avait été à l'exposition de New York avant, ouais. deux ans avant, qui était le désastre. Il n'y avait aucun contrôle des foules. Je ne voulais pas faire ça. Ouais. J'étais épeuré quand j'ai vu les problèmes qu'ils avaient. Ça circule, qu'il y a une bonne circulation. Les gens, donc on a dû développer des choses. Et la Ronde était essentielle. Ouais. Alors, à ce moment-là, le comité exécutif était après voté. Saunier se tourne vers moi, puis il me dit, jeune homme, parce que j'étais plus jeune, j'avais 34 ans à ce moment-là. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, monsieur Saunier, si vous me permettez, vous êtes en train de décider quelque chose que vous ne connaissez pas. Vous ne connaissez rien là-dedans. Dupuis a ouvert la bouche. Il dit, quel culot de ces gars de questionner le membre du comité exécutif qui nous aide à financer l'expo. J'ai dit, écoutez, c'est plus compliqué que ça. Il dit, qu'est-ce que tu suggères? J'ai dit, je vais faire un deal avec vous. Si vous acceptez de venir avec moi pour voir un terrain d'amusement international, pour vous montrer comment, qu'est-ce que ça peut faire, j'accepterai de votre décision. Puis, quoique je ne suis pas en faveur, ce serait une erreur de perdre la ronde. Peu importe ce que vous déciderez, si vous venez avec moi, j'accepterai votre décision. Il dit, quand est-ce que tu veux faire ça? J'ai dit, ce soir, monsieur. On partira ce soir pour Copenhague pour voir le Tivoli, le parc du Tivoli à Copenhague. Il dit, fais les arrangements. Puis je suis parti avec lui. J'ai dit, on va rester simplement un jour. On a passé deux jours ensemble. Quand on est revenu, il m'a dit, t'as raison. Parce que le Tivoli est une partie. Donc, on a sauvé la rose grâce au téléphone de Churchill. La ronde, c'était... On le sait, vous en étiez convaincu, c'était une bonne idée. C'est encore là, d'ailleurs, il y a un héritage concret. Une autre très, très bonne idée que vous avez eue dans le cadre d'Expo 67, c'est le fameux passeport d'Expo 67. C'est beau, c'est grand, c'est merveilleux. C'est l'Expo 67 de Montréal. L'Expo, c'est très bientôt. Ce sera durant 6 mois une fête merveilleuse. Vous aurez la chance d'y vivre, de tout visiter, d'y revenir autant de fois que vous voudrez avec votre passeport de saison. Si vous ne l'avez pas encore, hâtez-vous. Maintenant, au prix de prévente, il ne coûte que 22,50 $ et le passeport d'une semaine, 7,50 $. Mais après le 28 février, les réductions seront moins importantes. Et n'oubliez pas les livrets primes qui offrent à prix réduit des coupons donnant droit à des spectacles, rafraîchissements et manèges. Tout est prêt pour vous recevoir. Alors soyez prêts vous aussi. Préparez votre expo dès maintenant. C'est un rendez-vous avec l'univers. Les gens qui ont connu Expo 67, Philippe de Gaspé-Beaubien, se souviennent encore de ce passeport. C'est une formidable idée que vous avez eue. Comment elle est née, cette idée-là? Elle était dans une réunion, puis je partageais avec mon équipe les problèmes que j'avais vus à New York. J'ai dit, c'est impossible d'avoir des lignes d'attente de 2 heures, de 3 heures avant d'accéder dans un pavillon. Il n'y avait aucun contrôle. Il faut niveler nos foules. La ronde va nous aider à amener les familles dans un sens, mais il faut s'organiser que les gens n'aillent pas à 2 ou 3 pavillons pour attendre à ce moment-là. Comment on peut niveler le coup? Comment on fait? Ça prendrait une idée comme un passeport. Puis elle dit, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas un passeport? Ben, j'ai dit, on va essayer de vendre l'idée. Ça n'a pas été facile. Les commissaires généraux se sont opposés à ça. Ils ont dit, vous êtes les Canadiens après nous imposer un coût additionnel parce qu'il faut affecter une hôtesse à la porte pour estampiller le passeport. On n'a pas ça dans nos budgets. On est contre l'idée. Et au meeting de Moscou, des commissaires généraux, j'ai failli perdre l'idée des passeports. Mais c'était une idée qui était géniale dans ce sens que ça m'a aidé d'amener les gens à aller dans des pavillons où normalement ils ne seraient pas allés pour estampiller le pavillon. Et ça nivelait les petits pavillons, nos foules. On n'y serait pas allé. La Thaïlande n'avait qu'une gondole où les gens voulaient aller la voir. Elle était en or, par exemple. Elle était splendide. Mais c'était un moyen pour nous de niveler les parce qu'on voulait le plus de tampons possible. On allait partout. C'était brillant. Un mot sur la sécurité. Aujourd'hui, avec la question du terrorisme, ce serait un cauchemar d'organiser un événement comme une exposition universelle. À l'époque, en 67, sur le plan de la sécurité, est-ce qu'il y a eu des jours où vraiment vous avez eu chaud là, sur l'aspect sécurité? Il fallait négocier avec 12 services de sécurité mondiale, avec la police internationale, avec la police provinciale, avec la police RCMP, avec la police de Montréal, avec la police des services du CN, avec la police des services. C'était une douzaine de différents services qu'il fallait coordonner. Alors, c'était un élément important. Et ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a eu au moins au-delà de 20 attentats sur les chefs d'État. que vous avez déjoué. Alors qu'il m'a visité à ce moment-là, et il fallait continuer, alors il fallait s'organiser. S'il y avait eu un meurtre sur l'emplacement, ça aurait été un désastre. On a réussi à avoir, malgré tout ça, au-delà de 50 millions de visiteurs. S'il n'y avait pas eu la grève des transports, on aurait eu 60 millions. Ouais. Battre tous les records du monde. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des éléments qui arrivent, puis il faut composer avec ça. Quel genre de, vous dites, une vingtaine d'attentats, on pense à quoi? J'aime autant pas rentrer là-dedans parce que c'est un élément un peu confidentiel, mais les gens avaient des menaces sur les différents chefs d'État qui venaient sur l'emplacement. Ouais. Ça se termine, cette belle aventure. C'est le 29 octobre 67 que se termine finalement l'aventure d'Expo 67. Mesdames et messieurs, dans quelques heures, les dernières foules de la dernière journée d'Expo 67 quitteront ces lieux et les portes se refermeront pour la dernière fois sur cet événement historique. Expo 67 aura vécu ses 185 jours de gloire. On aurait cru qu'elle ne devait jamais connaître une fin. Je puis heureusement lancer le cri que vous souhaitez et qui change une fin en un recommencement, Expo 67 n'est plus vive, terre des hommes. Le maire Jean Drapeau, lors de cette cérémonie de clôture d'Expo 67, le 29 octobre 1967, avec le recul, Philippe de Gaspé-Beaubien, qu'est-ce que vous retenez de cette aventure d'Expo 67? Pourquoi ça a été important pour nous? La leçon la plus importante que j'ai apprise à ce moment-là et que j'aimerais partager avec la jeune génération qui nous écoute, c'est que souvent on peut faire des choses extraordinaires avec des gens bien ordinaires comme nous autres. Ouais. Puis d'avoir inculqué le désir chez nous de faire des choses à une dimension plus internationale, la capacité que nous avions parce qu'on s'est prouvé ça, qu'on pouvait, qu'on était capable. C'est ce que j'ai essayé de transmettre quand j'ai eu Télémédia, alors qu'on a adapté le tableau. T'es capable. Oui. T'es capable. C'est le message pour la jeune génération. Et de se dépasser, ça a été ça. Exactement. De vivre en dehors de leur zone de confort. C'est pas facile, mais c'est là qu'on apprend le plus souvent. Le mieux, c'est possible. Monsieur de Gaspé-Beaubien, ça a été un bonheur de vous recevoir. Merci énormément de votre visite. C'est gentil à vous. Merci. Vous me rappelez des bons souvenirs. Philippe de Gaspé-Beaubien, homme d'affaires, philanthrope, directeur à l'époque, je vous le rappelle, de l'exploitation d'Expo 67. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.